Chapitre deuxième, où l'animal est meilleur que l'être humain. Un matin, une femme se précipite, en hurlant de douleur, hors de la porte de son appartement du rez-de-chaussée de la tour A. Tremblante de terreur, elle tombe presque sur Karim qui s'apprête à sortir du couloir de l'immeuble. « Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'as-tu ? » demande Karim, très inquiet. « Mon mari, il m'a frappé et chassé dehors, il est ivre. » L'époux apparaît sur le seuil de l'appartement, titubant sur ses jambes, une affreuse lave blanchâtre sortant de ses lèvres tordues. Il déclare avec rage en bafouillant à l'adresse de sa femme. « Je suis ivre, mais je suis musulman. J'ai donc le droit de te frapper. On nous l'a dit à la mosquée. Si toi, mon épouse, tu ignores pourquoi je te frappe, il suffit que moi, ton mari, je le sache. Tu dois non seulement l'accepter, mais m'en remercier, car je te corrige. » Soudain, se rendant compte d'une chose qui lui a échappé, il hurle, scandalisé. « Pourquoi tu n'as pas mis ton voile avant de sortir, hein, putain ?» Alors la malheureuse réalise qu'en effet, elle est sans l'accessoire obligatoire. « oh mon Dieu » s'écrie-t-elle désorientée. « Mon voile !» Elle se précipite vers la porte de l'appartement. Son mari lui barre l'entrée en clamant. « Eh bien, reste sans voile comme les putains !» Et il rentre au logis, en fermant violemment la porte à la face de son épouse. Elle demeure complètement désemparée, la vue estompée par les larmes, ne sachant quoi faire. Venant de la rue, Zahra apparaît sur le seuil de l'immeuble. Elle voit sa mère en pleurs et Karim l'invitant avec délicatesse. « Viens chez ma mère, viens, tu ne peux pas rester ici. »« Maman !» crie Zahra en allant vers elle. « Ton père est ivre, » l'informe cette dernière. La fille remarque le sourcil gauche de la malheureuse. Il est fissuré, du sang coule. « Allez !» insiste Karim, s'adressant à la victime. « Viens chez ma mère afin que je te soigne. » Zahra, soutenant sa mère, les deux femmes le suivent en direction des escaliers. Arrivé au second étage, Karim les fait entrer dans l'appartement où il vit. Dans le salon, sa mère et sa sœur Zahia se lèvent brusquement, alarmées à la vue de la femme ensanglantée et sans voile, suivie par sa fille, derrière lesquelles apparaît Karim. « Qu'est-il arrivé ? » demande la mère de Karim à la femme. « Encore ton mari ?» L'interrogée secoue la tête en signe affirmatif. Karim intervient. « Je vais prendre du coton et du mercurochrome. » Il se dirige rapidement vers un petit réduit. Une fois l'épouse de l'homme ivre soignée et calmée, elle se repose sur le divan, le corps allongé. « Apporte une couverture pour la réchauffer, » dit la mère de Karim à Zahia. Rapidement, Zahia disparaît puis revient avec une large étoffe de laine. Elle l'étale sur le corps de l'infortunée. Les yeux hagards de celle-ci fixent le plafond. Près d'elle, Zahra est assise, affligée. Toute proche, la mère de Karim contemple tristement la souffre-douleur du mari méchant. Elle intervient. « Pourtant, on m'a dit que ton époux va à la mosquée. »« Uniquement, » répond son épouse, « pour se faire pardonner ses méfaits, et ainsi pouvoir en commettre d'autres. Concernant sa violence contre moi, c'est précisément à la mosquée qu'on lui a donné la justification. Il vient encore de me le dire. »« Oui, » réplique la mère de Karim, « je l'ai également entendu dire à la télévision par un cheikh. » Il lui a déclaré que le mari doit frapper son épouse de manière modérée. Cependant, moi je suis contre. Quelle que soit la manière de frapper, c'est contraire à tout comportement équitable. Même l'animal ne frappe pas sa femelle, y compris de manière soi-disant modérée. Nous autres, musulmans, devons-nous donc être pires que les bêtes sauvages ? Zahia, la sœur de Karim, quitte discrètement le salon. Très troublée, elle est incapable de supporter le moindre mot à propos de violence. Pendant ce temps, Karim est occupé à soigner la blessée. Quant à Zahra, elle observe avec discrétion les mouvements de l'infirmier nettoyant délicatement la plaie. Puis elle contemple le salon. Elle le trouve coquet, sans exagération, très propre, bien ordonné, pourvu du nécessaire. « Pas comme notre misérable trou. » La mère de Karim demande à la voisine « Pourquoi t'a-t-il frappé ? Toujours pour le même motif. Quand il passe une journée à chercher du travail sans le trouver, il finit par boire, et cela le rend méchant. Alors il décharge sa rage sur moi. » La mère de Karim comprend. Sa voisine est l'ordinaire fille de famille pauvre et inculte, livrée à peine adolescente, en échange d'argent, un homme comme épouse, c'est-à-dire comme bête de somme, et encore. La bête de somme n'est pas condamnée à subir la profanation de son corps chaque fois que son propriétaire est en rut. Cependant, comme un animal, l'infortunée épouse est condamnée à obéir, servir et mourir. Tel est le permanent holocauste de femme, produit par un système social inique, dominé par les hommes, quelle que soit leur position économique. Une première fois, la mère de Zara vint, tout ensanglantée, suite au coup de son mari en état d'ivresse, pour se réfugier chez la mère de Karim. Cette dernière aurait voulu lui demander « Pourquoi ne divorces-tu pas ?» Elle se retint de formuler cette proposition. Où donc cette malheureuse irait, ne sachant faire aucun travail, sinon se proposer comme femme de ménage, et encore, qui la prendrait à son âge ? Cette femme, comme des millions se trouvant dans ses conditions matérielles et intellectuelles, est condamnée à l'esclavage légal pour le reste de sa vie, sans aucun recours. Elle le sait, elle y consent, n'ayant pas d'autre alternative. Telle est la volonté de Dieu, elle est la justification de cette horrible résignation, et rien ne vient en aide à cette femme, ni ce qu'elle voit et entend dans la boîte qui conditionne l'asservissement, la télévision, ni ailleurs. Parfois, ce genre de damné sur terre a la chance de mettre au monde des enfants sensibles à la détresse de leur mère. Ils tentent de la soulager d'une manière ou d'une autre. Par malchance, la pauvre mère de Zara ne bénéficie pas de cette opportunité. Elle est certes aimée par ses enfants. Malheureusement, aucun des deux garçons, empêtré dans ses inextricables problèmes de survie, n'est en mesure de porter secours à sa mère. Seule Zara essaye d'améliorer la pénible existence de sa mère, sans toutefois pouvoir lui épargner les maltraitements du mari. À ce propos, la mère de Karim demande à sa voisine, allongée sur le divan, « Mais n'as-tu jamais tenté de dissuader ton mari de s'enivrer ?»« Oh si, tellement de fois !» Mais sa réponse fut toujours identique. « Si je ne bois pas, je tue quelqu'un d'autre ou je me tue. Alors, que préfères-tu » Une fois, bien que sous l'emprise de l'ivresse, il m'avoua, d'une voix tremblante, avec une affliction bouleversante. « Personne ne sait mieux que moi ce qu'est l'enfer de l'alcoolisme, et d'où il vient et où il mène, et que c'est une pente glissante sans possibilité d'interrompre la fatale dégringolade, en sachant l'effroyable et tragique résultat. Mais ce que les non-alcooliques ne savent pas, ne peuvent pas savoir, c'est combien les personnes qui finissent par se réfugier dans ce poison destructeur sont sensibles aux injustices et aux cruautés humaines. Là est notre faiblesse. Nous ne savons pas les combattre autrement que par l'alcool. Là est notre erreur. Mais on n'y peut rien, rien. Même Dieu le Tout-Puissant n'y peut rien. Sinon, il nous aurait donné une solution. Mon mari se tut, puis ajouta. Et puis, dis-moi, qui est le pire des hommes ? Celui qui, comme moi, se saoule d'alcool, ou l'homme qui se saoule à traiter les autres comme des esclaves, à les humilier, à tirer jouissance de leur sueur, de leurs larmes et de leur sang ? Hein ? Qui est le pire ? Qui est le plus malade ? Qui est le plus condamnable ? Et tu sais de qui je parle, les gens de la Hukuma, et le Fakamahatu, son excellence, à savoir le chef de l'État. La mère de Zara s'interrompt, extrêmement ébranlée par ces paroles. Elle conclut. Ce jour-là, en entendant cette confession, mes yeux pleurèrent et mon cœur saigna. J'ai compris l'immensité de la souffrance de mon mari et mon incapacité à lui venir en aide. Elle se tait. Un silence pesant règne dans le salon pendant un instant. La mère de Karim intervient. « Où donc ton mari trouve l'argent pour boire ?»« Oh ! À présent, il boit de l'alcool pur. Ça ne coûte pas beaucoup. Je crois même qu'il le vole quelque part. Car le seul argent dont nous disposons est celui de Zara. Et elle veille à ne pas lui en donner. Elle sait qu'il l'emploierait pour s'enivrer. Heureusement que Dieu a permis à Zara de trouver un travail à l'hôtel. » Auparavant, la fille déclare à sa mère d'être employée comme femme de chambre dans un grand hôtel sur le boulevard du Front de Mer. En réalité, il s'agit d'une couverture utilisée par la police pour cacher l'activité de moucharde de Zara. De là vient ce qu'elle appelle en elle-même son salaire de la honte. Elle l'accepte en réaliste. On prend ce que Dieu veut bien nous accorder. Toutefois, un fond d'honnêteté chez Zara lui montre ce qu'il y a de honteux dans son gagne-pain. Une fois les soins terminés, Karim prend un petit tabouret et s'assoit près de sa mère. C'est alors qu'il ne parvient pas à se retenir. Ses yeux vont sur Zara. Il rencontre ceux de la jeune fille. Gênée, elle baisse vite le regard vers le bas. « Zaya !» lance la mère de Karim. « Viens !» La sœur de Karim apparaît et se tient debout en silence devant sa mère. « S'il te plaît, prépare du café, chauffe du lait et mets sur la table quelques biscuits. » Sans répondre, calme et réservée, se mouvant tel un fantôme, Zaya se dirige vers la cuisine. Gogol l'aurait certainement appelée une âme morte. En vérité, c'est l'esprit de Zaya qui est enseveli dans une sorte de grotte obscure et glaciale. La malheureuse ne parvient pas à maîtriser son cerveau. Les caprices de cet étrange organe l'angoissent. Elle ne réussit à les éliminer, plus ou moins, qu'en se livrant à la lecture incessante du Coran ou à la prière permanente, sans oublier évidemment la prise des médicaments prescrits par le psychiatre. Rien d'autre ne lui procure l'accalmie dont elle a vitalement besoin pour ne pas exploser en miettes, comme elle l'avouait un soir. Elle déclarait entendre souvent en elle une voix qu'elle appelle Al-Waswas. Elle l'attribue évidemment au Shaitan, Satan. Il lui ordonne de commettre des actes effroyables contre elle-même ou contre sa chère et respectée mère. Zaya expliquait le rôle du diable. L'ange est révolté contre Dieu parce que Dieu l'a voulu ainsi et l'a autorisé à commettre ses méchancetés pour mettre à l'épreuve la foi des croyants. Pour Zaya, les seuls moyens de résister aux abominables tentations impies de cet ange du mal, c'est la lecture du Saint-Livre de Dieu, même sans comprendre les mots et les génuflexions, jusqu'à imprimer une tache noire sur le front, à force de heurter le sol, pour témoigner à Dieu une totale et inconditionnelle soumission. De fait, une petite tache sombre marque le front de Zaya. Elle en est toute fière, en espérant la voir s'élargir. Chaque fois que Zaya va à l'épicerie, elle rencontre sur son chemin le vieil Ibn Imam. Chaque fois, l'impressionnante sérénité de cet homme la bouleverse. Elle sent l'ardent désir de lui parler, de lui confesser ses tourments. « Dieu l'a mis sur mon chemin, » se dit-elle. « Oui, il saura m'aider à combattre Shaitan. » Mais Zaya, étant femme, n'ose jamais s'adresser à l'imam, parce que c'est un homme. Elle tremble à la seule idée de s'imaginer face à un homme, les yeux dans les yeux. En y pensant, une très bizarre chaleur soudaine envahit son bas-ventre. Encore un phénomène qui la trouble profondément, sans en comprendre le motif. La seule chose dont elle est convaincue, c'est que cette sensation aussi est provoquée en elle par Shaitan. Une fois, Karim osa une question à sa sœur, toutefois avec le maximum de tact pour ne pas heurter sa conviction. « Zaya, ma sœur, crois-tu que Shaitan agit également sur les bêtes sauvages ?» La sœur resta quelques secondes interloquée par la demande. Elle finit par dire « Je ne sais pas. » Elle ajouta « Je crois que oui, puisque Shaitan a été envoyé par Dieu sur toute la terre. »